se recoller. Ah bah c'est pas grave, vas-y balance là. Y'a encore des gens là? Y'a encore des gens là? Ouais. C'est qui? Ça, ça va pas du tout. Ouh! Ouais, il manque la signature. Ouais, ouais, ouais. Il est pas juste ça? Ouais, bah. On va vous en faire une gueule, hein. Allez, faut dire tout le monde. Allez, 10, 1, 2, 3. On essaie, hein. C'est sûr que vous êtes en train de se faire. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est je suis triste. Vous voulez être triste. C'est parti.